Tu débarques sur le microphone, tu te dis que non. J'ai remballé tous ces rastas trop teubés, persuadé que le reggae a un lien avec Sélassié. Que ce style de musique, ça manque une religion, alors que c'est seulement une bonne vibration. Comme quoi les joueurs ça sert à parler avec Jah. Non, c'est plutôt simplement que ça te sert à 30 flagada. Ok, les racines sont en Jamaïque, mais maintenant, elles sont de partout. Le reggae music n'est pas reste à Paris. Mais tant qu'écouter Bipun Kininoski, je te redis, au cas où t'aurais pas compris. Le reggae music n'est pas reste à Paris. Dans les années 60, au Royaume-Uni, avec l'apparition des punks et des Nasky, remarque déjà à cette époque-là, ces gros hommes dansent sur du ska. Il regarde les gens qui écoutaient Bob Marley, dans la majorité d'entre eux, aucun ne savait que dans cette religion, Bob était le prophète, parce qu'ils en avaient rien à branler. Le reggae music n'est pas Rastafari. C'est le sang qu'écoutaient des punks et des muskies. Je te le redis, au cas où t'aurais pas compris. Le reggae music n'est pas Rastafari. Le reggae music n'est pas homophobe. Le reggae music n'est pas misogyne. Le reggae music n'est pas accro à Dieu. Le reggae music n'est pas Rastafari. Encore. Le reggae music n'est pas homophobe. Le reggae music n'est pas misogyne. Le reggae music n'est pas accro à Dieu. Le reggae music n'est pas Rastafari. Le reggae music n'est pas Rastafari. C'est le son qu'écoutait du punk et des nuskies. Je te le redis, au cas où t'aurais pas compris. Hein? Le reggae music n'est pas Rastafari. Oh. Le reggae music n'est pas Rastafari. C'est le son qu'écoutait du punk et des nuskies. Je te le redis, au cas où t'aurais pas compris. Hein? Le reggae music n'est pas Rastafari. Allez, une dernière. Le reggae music n'est pas Rastafari. C'est le son qu'écoutait des punk et des nuskies. Je te le redis, au cas où t'aurais pas compris. Le reggae music n'est pas Rastafari.